Chapitre 26e. Monsieur du Bousquet resta fort surpris à la vue de la servante de Monsieur de Saint-Prosper, qu'il n'avait jamais jusqu'alors rencontrée dans la maison, car il sortait rarement et choisissait l'heure du soir pour ses promenades. La jeune fille, habitant d'ailleurs depuis peu de temps ce logis ainsi que son maître, avait été presque toujours retenue au lit par la maladie. Toinette, très émue, très pâle, et à qui le repris de justice vient d'ouvrir la porte, le contemple pendant un moment avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Puis la pauvre jeune fille murmure d'une voix étouffée « Plus de doute, c'est lui, mon Dieu, comme il ressemble à feu, mon pauvre père !» Ces mots, prononcés d'une manière presque inintelligible, ne sont pas entendus du forçat libéré, qui, frappé de la touchante physionomie de la jeune fille, et surtout du trouble croissant dont elle semble agitée, car elle baisse la tête et reste tremblante au seuil de la porte, lui dit avec bonté « Qu'est-il pour votre service, mon enfant? Donnez-vous la peine d'entrer, je vous en prie. » « Non, non, » répond Toinette, se reculant et paraissant presque effrayée. Puis elle ajoute, après un moment de réflexion, « Et pourtant, que faire, mon Dieu, que faire? À qui recourir dans mon malheur? Qu'avez-vous de grâce, ma pauvre enfant? Vous semblez souffrante, effrayée, » demande du Bousquet, de plus en plus étonné du trouble que sa présence paraît causer à la servante. Puis il reprend, « Je vous en supplie, mademoiselle, si vous avez quelque chose à m'apprendre, entrez chez moi. » « il le faut, » murmura Toinette, répondant plutôt à sa pensée intime qu'aux paroles du forçat libéré. « Ah, que dira ma mère ?» Du Bousquet, voyant la jeune fille faire un pas vers lui, la précède et l'introduit dans la pièce contiguë à celle où est resté Wolfram. À peine entrée, la jeune fille tombe avec accablement sur une chaise et, cachant sa figure sous le pli de son tablier, fond en larmes sans articuler une parole. Le repris de justice, de qui l'étonnement fait place à une pitié pleine d'angoisse, se rapproche de Toinette et s'écrie d'un ton profondément apitoyé « Pour l'amour de Dieu, ma pauvre chère enfant, qu'avez-vous ?»« Monsieur, » répond Toinette d'une voix tremblante, laissant retomber son tablier trempé de larmes et sans relever les yeux. « C'est bien vous, n'est-ce pas, qui êtes monsieur du Bousquet ?»« Sans doute, vous êtes de Lyon ?»« Oui, mon enfant, moi aussi, monsieur, je suis de Lyon. »« Eh bien, puisque nous sommes compatriotes, cela doit vous engager à me parler avec confiance. « Hélas !» murmura la servante en proie à une hésitation cruelle. « Je n'ose, je n'ose. » « Rassurez-vous donc, pauvre enfant, est-ce que je vous fais peur ?»« Non, monsieur. » Et Toinette pense à part soi. Il n'a pourtant pas l'air méchant. « Si je ne vous fais pas peur, alors dites-moi franchement ce que vous désirez de moi, mon enfant. Est-ce un service ? Je vous le rendrai de bon cœur. Votre jeunesse, votre figure, le chagrin que vous éprouvez m'intéressent. « Monsieur, vous connaissez ma famille. C'est possible, puisque vous êtes de Lyon, mais j'ai depuis si longtemps quitté cette ville, que je n'y ai plus guère de connaissance. Enfin, comment vous nommez-vous » À cette question, nouvelles hésitations de Toinette. Elle ne peut encore les vaincre, et, atermoyant, ainsi que ce qui recule de seconde en seconde le moment d'une nécessité fatale, elle reprend « Je suis en service dans cette maison. Je m'étonne de ne vous avoir jamais rencontré. » « Du reste, ce n'est pas extraordinaire, je sors si peu. Il n'y a pas longtemps que nous demeurons ici et je relève de maladie. En effet, vous êtes très pâle et vous paraissez encore souffrante. Et chez qui êtes-vous en service ?»« Chez Monsieur de Saint-Prosper. » La jeune fille a prononcé ces mots comme s'ils lui eussent brûlé les lèvres. Le forçat libéré reprend. « Vous ne pouviez trouver une meilleure condition que la vôtre. Monsieur de Saint-Prosper est un bien digne homme et son œuvre charitable pour l'enfance le fait bénir de toutes les mères. » « Lui, grand Dieu !» s'écrie Toinette en cachant de nouveau son visage entre ses mains. « Lui !» Cette exclamation est accentuée avec tant d'horreur et d'effroi par la servante que M. du Bousquet la contemple avec une vive surprise, puis « On croirait que vous avez à vous plaindre gravement de votre maître. Cela me surprendrait beaucoup. C'est un homme si vénérable. Enfin, il se pourrait que, malgré ses vertus, son caractère ne vous convainc point. En ce cas, vous viendriez donc me prier de vous trouver une autre condition ?» S'il en était ainsi, je serais bien embarrassé, car je n'en sais rien, ne me demandez rien, j'ai la tête perdue. Je ne vis pas depuis 6 semaines, je deviendrai folle, » s'écrie Toinette, les yeux hagards, fixes et semblant sous le coup d'une sorte d'égarement. Le forçat libéré, dont l'étonnement redouble, contemple en silence la jeune fille et celle-ci, revenant à elle, reprend d'une voix plaintive. « Pardon, monsieur, pardon. Ah, si vous saviez, je suis si malheureuse que parfois je ne sais plus ce que je dis. » « Pauvre chère créature, Vos paroles me navrent, mais pour l'amour de Dieu, que puis-je faire pour vous? Vous aviez sans doute une demande à m'adresser en venant près de moi. Cette demande, quelle est-elle? » Toinette se recueille pendant un instant, puis faisant un violent effort sur elle-même. « Hier au soir, monsieur, j'ai appris par mon maître que vous habitiez la maison. J'ignorais jusqu'alors, je ne causais avec personne. » « Et à quel propos votre maître vous a-t-il parlé de moi ?»« En me signifiant qu'il m'a renvoyé de chez lui et que je devais chercher une autre place. » Monsieur du Bousquet regarde la servante comme s'il ne comprenait pas ses paroles et répète « Pardon, mon enfant, vous dites que c'est en vous renvoyant de chez lui que monsieur de Saint-Prosper vous a appris que j'habitais cette maison. » « Oui, monsieur. Mais, ma chère enfant, cela est inexplicable. Quel rapport peut donc avoir ma personne avec votre renvoi ?»« C'est vous qui êtes en cause. »« Qu'entends-je ? » s'écrie du Bousquet abasourdi. « C'est à cause de moi que votre maître vous renvoie ?»« Hélas, oui. Mon maître m'a dit, achevé, qu'il ne pouvait pas garder chez lui. » Ensuite, « La nièce. » « Comment la nièce ?» D'un forçat libéré. Grand Dieu, vous êtes la fille de votre frère aîné, Auguste du Bousquet.